La 11e compétition nationale des classes de football des écoles primaires et la 7e compétition nationale des classes de football des écoles secondaires des cycles primaires et secondaires ont eu lieu du 18 au 28 juillet sous la participation de 1200 élèves sélectionnés dans chaque province. Le 28 juillet, les prix de technique sont remis aux écoles, les stations d'honneur, les coupes et les médailles aux écoles, élèves et enseignants qui ont obtenu de bonnes performances.